nos vies, nos vies sur disque, sur disque, nos vies sur disque, sur disque. Capitaine d'une jeunesse sans espoir, mis en quarantaine, du moins c'est ce qui nous laisse croire. GOT, Rodi sur le bitume. Jamais au premier rang, j'étais toujours dans les embrouilles. Au lieu de partir en courant, j'ai préféré partir en couille. Avec les potes, on faisait des francs pendant que tu révisais tes cours. Pour les euros, fallait du cran. De toute façon, c'était notre seul recours. J'essayais d'imiter les grands. Je me prenais pour tout par chaque cours. J'ai pris la vraie vie dans les dents et je me fais niquer à chaque tour. Adolescence, c'est mouvementé, sponsorisé par Heineken. Ça y est, je fête mes 14 ans et j'ai compris que la vie nous ken. Donc j'ai la rage d'un combattant et je me défonce à la Tekken. On va récupérer nos francs. Je me dis que je serai prêt plus tard, t'inquiète. Ma vie part en fumée, mais bon, je me dis que ça va changer. J'ai vu les heures, les jours passer, mais au final, rien n'a changé. Mon padré est parti tôt, ce qui fait que j'ai dû me forger tout seul. Renfermé sur moi-même, l'impression d'être dans un cercueil. Pense à mes frérots, pourquoi je veux voir les bras en haut. Quoi qu'on fasse ou quoi qu'on pense, et qui nous voit de tout là-haut. Je pense à mes frérots, pourquoi je veux voir les bras en haut. Quoi qu'on fasse ou quoi qu'on pense, et qui nous voit de tout là-haut. Repose en paix, frérot, si tu nous vois de là-haut. Y'a pas un jour qui se passe sans qu'à toi on pense. Oulai, la rue m'attire et puis j'entends ses SOS. Elle essaye de m'appâter, de me faire flirter avec la hesse. Elle m'a promis gloire et beauté, qu'elle m'apporterait de la tendresse. J'ai mon cerveau éclaté, dépêche-toi ici, le temps presse. Je suis seul avec mes regrets, assis sur un banc à la tête. Donne l'impression que je suis opé, et mon cœur saigne, j'ai pas de compresse. Aujourd'hui j'ai grandi, je viens de fêter mes 20 ans. Ici rien n'a changé, sauf la couleur des bâtiments. Les jours passent, je me sens seul et je me renferme sur moi-même. Putain, la rue c'est comme la mort, et de jour en jour elle m'emmène. Je me dis que c'est pas plus mal, que ça peut pas être pire qu'ici. Ma vie c'est le point final et je partirai loin d'ici, les souvenirs dans un coin de la tête, ça y est, je me casse de la Tessie. Et je veux partir haut, voler loin comme un missile. Partir loin, voler plus haut, toucher le ciel.